Bon, concernant la fameuse phrase tu n'as pas le droit de juger, nanani, nanana, t'es qui pour juger, celle qu'on entend malheureusement souvent, faut d'abord savoir une chose très importante. Je vais le dire clairement. Ceux qui passent leur temps à dire faut pas juger, patati patata, ce sont les plus gros hypocrites. Ce sont les plus gros double faces, les plus gros hypocrites. Parce qu'il est quasiment impossible, il est totalement impossible de vivre sans émettre de jugement. Sans émettre de constats qui vont engendrer des jugements, c'est impossible. D'accord? Aussi bien théologiquement parlant que sociologiquement parlant, c'est impossible. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais rentrer dans l'optique théologique. Faut savoir une chose. Ah, d'ailleurs, là maintenant. Après ce que je viens de dire, sûrement il y en aura qui diront quoi? Ouais, pour qui il se prend? Extrémiste, patati, prétentieux, patati. Ah, la preuve. Voilà, vous venez d'émettre un jugement. Enfin bref, soit. Pour revenir au sujet clairement, au point de vue théologique, déjà il faut savoir une chose importante, c'est que la mise en garde fait partie de l'islam. La mise en garde, elle fait partie de l'islam. Le fait de mettre en garde contre une mouvance hérétique ou une personne qui appelle à un égarement, le fait de mettre en garde fait partie de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour envers la religion, de la jalousie, pas dans le sens péjoratif, de la jalousie dans le sens positif du terme, de la jalousie pour le dîn, c'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on est jaloux, qu'on touche à la religion, qu'on ment sur la religion, qu'on ment sur Allah, qu'on ment sur le messager et sur les sahaba. Donc, le fait de mettre en garde pour protéger la religion, d'accord, contre les innovations, les influences hérétiques, ça fait partie de l'islam. Allah lui-même nous parle de la mise en garde dans le Coran. Par exemple, concernant les juifs et les chrétiens qui ont falsifié le message, dans Sourate la table servie, Sourate al-Maïda. Concernant les sectes à venir, aussi bien chez les chrétiens, juifs et musulmans, dans Sourate al-Mu'minun, Sourate les croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'islam se divisera en 73 sectes, dans un hadith qui est authentique, sahih, le isnad, la graduation généalogique est authentique, dans lequel il est dit que les juifs se diviseront en 71 sectes, les chrétiens en 72 et les musulmans en 73. Une parmi les 71, parmi les juifs, ira au paradis, les autres en enfer. Laquelle? Celle qui a suivi le vrai message de Moussa, de Moïse. Ils sont morts maintenant, ces gens-là. Parmi les chrétiens, les 72, un seul sur les 72 ira au paradis. Les autres en enfer. Lequel? Ceux qui ont suivi le vrai message de Issa, de Jésus. Ils sont morts actuellement. Ce sont les apôtres et les compagnons des deux autres prophètes précédents. Maintenant, concernant l'islam, les musulmans se diviseront en 73 sectes. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Avec les chiites, les rawafid, les khawarij, les qadariyat, les murji, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui s'est passé. Les hamadiyat, les naqshbandi, etc. Maintenant, quand les compagnons ont demandé au prophète quel est ce groupe sauvé parmi les 73 qui iront au paradis, il a dit, celle qui me suivra sur quoi je suis et sur quoi sont mes compagnons de la première, de la deuxième et de la troisième génération, les sahaba, les tabi'in et les tabi-tabi'in. C'est-à-dire que celui qui suivra l'islam, comme l'a compris le prophète et ses compagnons des trois générations bénis par Allah et agréés par Allah, dont Allah fait éloge dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, c'est-à-dire, Inch'Allah, qui fera partie du groupe dont le prophète avait parlé à ce moment-là. Maintenant, concernant cette chose-là, il faut savoir aussi que dans le Sahih Muslim, le tome 1, qui est un recueil de traditions prophétiques, dans le chapitre l'aumône, le prophète a mis en garde contre une personne. Est-ce que le prophète aurait fait une chose blâmable? Jamais. Il a mis en garde contre une personne. Donc je répète, le Sahih Muslim, l'authentique du Muslim, le tome 1, chapitre l'aumône. Je pense que c'est le deuxième paragraphe, le deuxième hadith qui vient. Il est dit que un homme est venu voir le prophète en lui disant, crains Allah, crains Dieu. Le prophète lui a répliqué en disant, Allah m'a confié l'humanité pour que je leur donne le message, et tu me demandes de le craindre. Qui le craindrait plus que moi? Et c'est là que cet homme est parti. Cet homme était parti, hein? Cet homme n'était plus là. Et le prophète a quand même dit, a rajouté, viendra de cet homme des gens qui rendront licite le sang des musulmans. Ils sortiront de l'islam aussi rapide qu'une flèche sort d'un arc. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a rajouté aussi, et vous allez le voir de vos yeux. Et si je serai encore en vie à l'époque où ils seront en pleine émergence, je le tuerai de mes propres mains. Et c'est ce qui s'est passé. De cet homme-là est venu ce qu'on appelle Al-Khawarij, une des premières sectes en islam qui avait, on va dire, une vision très extrême de l'islam, très extrême. Il lançait facilement l'anathème, et pour eux la notion de péché rentrait dans le coffre. D'accord? Donc automatiquement, quelqu'un qui faisait un péché rentrait dans le coffre parce que pour eux, c'était une forme d'istihlal. C'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui fait un péché, il le vante, c'est-à-dire il le rend halal, alors que c'est totalement faux, bien sûr. Dans la religion, dans la compréhension juste du juste milieu, avec la règle, al-manat wal-hikma, c'est-à-dire la cause et la sagesse par rapport au tafsir, à l'exégèse, dans le juste milieu, bien sûr, les péchés ne font pas sortir de l'islam. L'islam est un juste milieu, c'est-à-dire ni être trop laxiste et tout laisser couler, ni trop extrême. Enfin bref, donc on a encore une preuve dans laquelle le prophète a mis en garde, donc il a jugé. Il a constaté, il a jugé. Donc il a mis en garde contre une personne. La mise en garde fait partie de l'islam. D'accord? Ensuite, les savants en ont parlé. Les savants ont parlé des sectes et des individus précis à travers l'histoire. Dont Ibn Qayyim dans son livre Talbis Iblis, Ibn Hazm dans son livre Al-Muhara, Imam Malik dans Kitab Al-Muwatta, l'imam Ahmad dans Minhaj Al-Sunnah, Ibn Taymiyyah dans son recueil, d'accord, dans lequel il a réfuté de grandes têtes du soufi à son époque. Mohamed Amin al-Shanqiti dans son tafsir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de grands savants qui ont mis en garde. La mise en garde fait partie de l'islam. Donc automatiquement, si tu mets en garde, c'est que juste avant ça, tu as fait un jugement, et qu'avant ça, tu as fait un constat. Donc on revient en arrière et on revient en avant. Constat est égal jugement, jugement est égal mise en garde, application de ce jugement, que ce soit par la parole ou que ce soit par la sentence. D'accord? Ce qu'on appelle ismu al-hukm, c'est-à-dire l'étiquette qu'on donne et ensuite le hukm, le statut qu'on applique. Enfin bref, maintenant ce qu'il faut savoir, qu'on le veuille ou non, la mise en garde, elle fait partie de l'islam. Car Allah et son messager ont mis en garde contre les innovations, par exemple, et les réformations. D'accord? Notamment le hadith par rapport aux innovations qui sont ancrées dans les affaires religieuses, c'est-à-dire dans la religion. Les innovations, ils sont stipulés, par exemple, dans les 40 hadiths de An-Nawawi. D'accord? Maintenant, par rapport à la da'wa, par rapport à la prêche. La da'wa, c'est le fait de prêcher, le fait de prêcher la bonne parole. Même en actionnant la da'wa, nous sommes obligés d'émettre des jugements. Je vous explique. Par exemple, quelqu'un qui a une bonne intention et qui veut le bien de ses frères, de la communauté, de la Ummah et compagnie, il voit un de ses frères qui est tombé dans l'alcool. Voilà, il est totalement ivrogne, alcoolique, il est là avec une grosse bouteille de Smirnoff. Qu'est-ce qu'il va faire lui en tant qu'actionneur de la da'wa ou actionneur de la prêche, du conseil, de la bienfaisance? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il blâmer le blâmable? Il voit une personne qui tient une bouteille de Smirnoff et qui connaît depuis quelque temps, il sait qu'il est musulman, mais bon. Donc, il constate déjà ce qu'il voit. Visuellement, il constate qu'il est saoul et qu'il a en main une bouteille de Smirnoff. Ensuite, il va émettre un jugement. Ce jugement va être lequel? C'est qu'il a commis un péché, qu'il le commet en public, donc il est en position de haram, en posture de haram, d'accord? Et il va actionner ce jugement en lui faisant da'wa par rapport au constat et au jugement qu'il a fait jadis, précédemment. C'est-à-dire, il va pas aller chez lui et lui parler, par exemple, du vote. Non, le vote, c'est pas bien. Ou bien de la barbe. Oui, la barbe, c'est wajib, c'est une sunna wajib, etc. Non, il va lui faire da'wa en fonction de ce qu'il a vu, en fonction de ce qu'il a constaté et jugé comme étant le contexte qu'il faut pour actionner cette prêche. C'est-à-dire que quand il a vu cette personne boire de l'alcool, la première chose qui lui vient en tête, c'est d'abord le constat visuel, ensuite le jugement qui dit comme quoi il est ivrogne, il est alcoolique, il est dans une posture de haram, et il va actionner cela en allant lui prêcher la bonne parole concernant l'alcool. Il va pas lui parler d'autre chose. Il va pas lui parler d'autre chose, d'accord? C'est comme par exemple une femme qui est prostituée, mais qui est de confession musulmane, mais elle est prostituée. Tu vas pas lui parler directement, par exemple, du djihad ou d'autres sujets. Tu vas lui parler d'abord de la pudeur et le fait de s'abstenir, d'accord? S'abstenir, éviter la fornication et ainsi de suite. Donc même la dawa se met par rapport à des jugements. On est obligé de